Déjà tout petit, maman me disait, sois gentil, prends garde à tes souliers, ne prends pas froid. Alors j'ai grandi et ma paresse a suffi à éviter tous les efforts, à en perdre le nord. Y'a vraiment de quoi devenir dingue, à tourner en rond dans sa cage. Y'a vraiment de quoi prendre un flingue et s'offrir un dernier carton. Regarde autour de toi, c'est du grand n'importe quoi. Autour de moi, c'est le grand n'importe quoi. Autour de toi, c'est le grand n'importe quoi. Autour de moi, c'est le grand n'importe quoi. C'est du vent. Dans la nuit, papa m'a dit, sois poli, en garde, reste droit et foi en toi. Alors j'ai dormi profond jusqu'à l'anesthésie, étendu là de tout mon corps, tendu jusqu'à la mort. À tourner en rond, bien en rond. Y'a vraiment quoi prendre un flingue et s'offrir un dernier carton. Regarde autour de toi, c'est du grand n'importe quoi. Autour de moi, c'est le grand n'importe quoi. Autour de toi, c'est le grand n'importe quoi. Autour de moi, c'est du grand n'importe quoi. Le grand n'importe quoi. Maman m'a dit, sois gentille.